aujourd'hui. C'est l'été. C'est l'été qui fait ça. Bon, regarde donc. Le baptême. Yeah. C'est comme ça que ça se faisait, le premier baptême. C'est très propre, hein, ici, au Capolin. Le titre de la conférence de ce soir, ça n'a pas rapport avec Mitch. On sait jamais. Presque. Le bien du mal, le mal du bien. Est-ce que c'est bien de ne pas signer l'accord du LACMITCH ou est-ce que c'est mal? C'est mal. Pour la simple raison que c'est justement, ça fait partie de ce qu'on considère comme étant bien, selon certains points de vue, comme étant mal, selon d'autres points de vue. Si l'accord n'est pas signé, il y a des chances que le Canada se fractionne. Si l'entente est signée, il y a des chances que le Canada reste uni. Sauf est-ce que le Canada doit être uni ou fractionné? Là est la question. Ouais, la réponse est plutôt là. Et ésotériquement, le Québec est séparé énergétiquement du reste de l'Amérique depuis sa constitution. Ésotériquement, le Québec est séparé moralement, énergétiquement, égrégorement du reste du Canada et nécessairement des États-Unis. Depuis très longtemps. Alors, il restait à accomplir une séparation politique. Depuis plusieurs années, j'avais dit que si le Québec se sépare, il y a des chances que ce soit Bourassa qui en fasse la séparation. Mais oui. On verra. Mais une chose est certaine, c'est que, ésotériquement, le Québec, effectivement, est une entité à part qui doit être autonome du point de vue de ce qui peut, disons, naître sur son territoire. Cela veut dire que si politiquement ça nuit à ce qui doit naître, il sera libre, il sera séparé politiquement. Si ça ne nuit pas, il n'y a pas de problème. Et effectivement, l'accord du LACMITCH était quelque chose d'intéressant du point de vue de l'ésotérisme, pour la simple raison que c'était l'acceptation du fait d'une société distincte, ce qui est reconnu par les autres provinces, sauf qu'il y avait 5 points qui devaient être reconnus, il y en a 3 qui ont été reconnus. Et si c'est le Canada ou si, de toute façon, n'importe qui aurait à nuire à l'évolution ésotérique ou énergétique du Québec, nécessairement, ça va créer des problèmes qui sont mal et qui donnent le bien. Donc, c'est la forme, finalement, qui doit laisser la latitude au Québec pour être individuel dans une globalité. Oui, sauf que le Québec est un adolescent, donc plus le Québec va mûrir, plus il va demander. Et ça reste quand même une problématique pour ceux qui l'entourent, c'est qu'à un moment donné, il faudra de toute façon donner au Québec à peu près tout ce qu'il va vouloir. Pourquoi? Parce que le Québec va devenir... Le parallèle est réel, mais du point de vue de l'énergie ou du point de vue de son importance planétaire, mais le parallèle s'arrêtera là. Et il y a plusieurs personnes qui le vibrent aussi, sauf qu'il ne faut pas penser que le Québec va faire comme ce que l'Allemagne a fait, mais le Québec est exactement comme une nouvelle forme d'Allemagne. C'est-à-dire que c'est de l'Allemagne qu'est apparue la majorité des grands scientifiques, des grands physiciens, la majorité des grands savants. De l'Allemagne, on a eu des poètes, on a eu des écrivains assez géniaux, de grands philosophes. Freud, d'ailleurs, le père de la psychanalyse était un Allemand. On ne parlera pas d'Albert Einstein ou de Von Braun, qui s'est occupé du projet Apollo pour les Américains, alors que c'est lui qui avait mis en place les V1 et les V2 pour démolir l'Angleterre. Du point de vue technologique, du point de vue énergétique, il y a une puissance au Québec qui est similaire à la puissance de l'Allemagne. Et j'ai déjà expliqué que si les États-Unis réincarnaient les Romains, la majorité des Québécois réincarnaient des grandes particularités du peuple allemand. L'Allemagne veut se réunifier. L'Allemagne se réunifie uniquement dans le but de ramener vers sa nation des Britanniques. Ben là, il est à mon chalet, il est à mon auto, il va peut-être être poubelle. Il est un rasoir à l'âme, t'aimes pas ça, c'est un qui est bon. La personne qui veut faire le bien est nécessairement dépendante de la contre-réaction de l'autre, et parce qu'elle est nécessairement dépendante et que le bien, ça fait le mal, on a structuré très mal. Et le Québec, nécessairement, c'est un peuple qui, le Québécois entre autres, est un peuple qui aura quelque chose à jouer d'extraordinairement grandiose dans l'avenir, supporté par les États-Unis d'Amérique, qui, elles, auront le rôle de chien de garde à jouer. Alors, protecteur du Québec. Protecteur du Québec et protecteur aussi d'une partie de la planète, finalement. Protecteur de tout ce qui sera contre le Québec. C'est ce que les États-Unis disent, c'est ce que les États-Unis d'Amérique vont avoir à jouer comme rôle dans les temps qui viennent. Alors, c'est le bien, c'est le mal, c'est-à-dire que sur le contexte planétaire, lorsqu'on étudie un peu le bien et le mal, il y a beaucoup de philosophies de bien, il y a beaucoup de philosophies de mal. Aux États-Unis, il y a beaucoup de religions, les religions sataniques, des religions luciférienne, des religions du mal qui grimpent. Il y a la compagnie Procter & Gamble, justement, qui finance l'Église du diable aux États-Unis. Et sur l'empaquetage de ces produits, pendant longtemps, on avait le symbole de l'Église du diable, qui était une lune avec une étoile et ces choses-là. Ils ont commencé à le retirer depuis qu'il y a eu des protestations. Ils financent l'Église du diable. Il y a donc des choses qui sont mal et qui sont bien, qui continuent à croître. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal dans la symbolique? Satan, c'est mal, Lucifer, c'est bien? Non, si on veut parler réellement du bien et du mal, il faut considérer que tout ce qui existe dans le contexte planétaire est mal. Donc, il n'y a pas de bien sur la Terre. C'est ça. Pas du tout. C'est ça. Et c'est pourquoi... C'est pas une question d'encouragement. Ben, si on ne fait jamais rien de bien. On fait c'est juste comme mal. De dire que quand la chose descend, ça indique qu'il ne reste plus beaucoup d'essence. Ce n'est pas encourageant. C'est pas là pour t'encourager, c'est là pour t'indiquer. C'est là pour te dire qu'il y a plus de gaz. Ça indique. Je sais bien que ce n'est pas encourageant. Mais elle peut t'indiquer que c'est plein. Ça, c'est encourageant. Si tu disais que t'es une femme de sens, ben, t'indiques encore plein. À Mère Teresa, là, que ça fait je sais pas combien d'années qu'elle se promène un peu partout pour faire du bien. C'est sûr qu'elle fait le mal. Elle fait du mal. Ben, c'est évident. Comment elle fait du mal? En entretenant les conditions qui nécessitent sa présence. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, ça l'aidait pas? Si elle serait pas là, ça irait mieux. Ça irait mieux pour qui? Pour ceux qu'elle aide. Ben non, il y en a peut-être qui seraient morts là-dedans. C'est peut-être mieux mort, tu vas me dire. J'allais dire des choses, mais pas celle-là, mais similaire. Et non, c'est que Mère Teresa encourage les individus à rester pris comme ils le sont. Comme d'ailleurs, toutes les sociétés qui aident les pays pauvres encouragent les gouvernements de ces pays-là à ne pas s'occuper de leurs gens, parce que les nations extérieures vont s'en occuper. Le Mexique peut dépenser. Il y a des pays, par exemple, qui ont des dettes internationales extrêmement grandes. Mais vu que de toute façon, on va continuer à injecter de l'argent chez eux, il n'y a aucun intérêt marqué à restructurer financièrement leur budget. Mais comme aujourd'hui, le Canada a envoyé 300 000 $ à la Croix-Rouge pour le tremblement de terre qu'il y avait en Iran. Ça, c'est du bien ou du mal? C'est du bien. Ça va sauver des vies qui vont pouvoir permettre de renforcer l'armée iranienne pour aller tuer les Irakiens. Puis il n'y a pas des fois que c'est le contraire? Mais oui, mais c'est ça, c'est que tout est parfait. On tue quelqu'un qui était pour en tuer 200, fait que là, ça ferait du bien. Oui. Ouais. Sauf que les 200 qui vont rester vivants, il y en a peut-être là-dessus qui vont vendre de la drogue à tous tes enfants. Mais c'est pas négatif, c'est pas pessimiste de voir ça comme ça. On pourrait pas revirer ça de bord, puis marcher de la même façon dont tu le dis, puis dire, il n'y a que du bien sur la planète. Essaye, tu vas voir, c'est compliqué. C'est drôlement plus facile de constater que finalement, le bien et le mal est une vision de l'humain, mais que si on veut considérer, par exemple, on parlait à un moment donné du karma blanc ou du karma noir, si tu fais le bien, ça te rapporte du karma noir, donc du mal. Alors, mais si tu fais le mal, ça te rapporte aussi du karma noir, donc encore du mal. Mais ceux qui font le mal, on prend un exemple concret de ça, ceux qui font du bien, pour moi, c'est... J'ai déjà entendu d'excellents guérisseurs et des personnes qui, à 35 ans, ils meurent. Ils meurent des maladies de ceux qu'ils ont guéris. Ils ont réglé tous les problèmes de tout le monde, mais ils sont morts. Ça, je comprends bien que... Et puis en plus, son chien, parce qu'il meurt trop jeune, on en aura encore besoin. Mais dans le sens inverse, ceux qui font du mal, ceux qui sont les mafiosos, ceux qui s'occupent de la... Les mafiosos, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent du budget du Vatican. Est-ce que c'est mal de s'arranger pour que l'Église puisse supporter un peu son manque à gagner? Ben, les autres, ils vivent bien, en tout cas. Ben, ils ont le choix de vivre bien. Mais est-ce qu'ils font du mal ou s'ils font le bien? Ben, ça dépend du point de vue. C'est toujours selon le point de vue où on se J'ai trouvé, à un moment donné, un livre intéressant qui était sur l'acte de constriction parfaite. J'appelle ça constriction, non pas contrition. Et j'en parlais tout à l'heure. Et ce livre-là, on expliquait, c'est catholique, on expliquait l'acte de constriction parfaite. Mon Dieu, je vous aime. Bon, et alors, il y avait dedans l'obligation que les chrétiens avaient de forcer les gens à faire l'acte de contrition parfaite, donc de forcer les gens à dire « Mon Dieu, je vous aime ». Et selon le livre, donc selon la loi de l'époque, et c'est un livre qui est imprimé en 1800, moi j'aurais le droit présentement de vous forcer à dire « Mon Dieu, je vous aime ». Et si je vous force à le faire, Dieu m'aime plus. Et on expliquait comment torturer au fer rouge pour forcer quelqu'un à faire son acte de contrition. Et il y avait plusieurs choses, là. Et finalement, si une personne décédait, mourait pendant le... que, mettons, je vous force à le faire et à un moment donné, vous mourrez, eh bien, Dieu m'adore parce que c'est quand même pendant le... j'accomplissais simplement une chose qui était bonne. Alors, je peux tuer mes enfants, je peux tuer ma femme, je peux tuer mon mari, je peux tuer les individus en les forçant à faire leur règle de contrition parfaite. Alors, les croisades, c'est un peu la même chose, c'est qu'on doit tuer les infidèles. Les infidèles, c'est ceux qui ne sont pas fidèles à la parole de Jésus, la parole de Dieu, entre autres, et on peut donc les tuer, c'est bien. Mais Mahomet a dit la même chose, on peut tuer les chrétiens, puisque les chrétiens, c'est des faux. C'est bien de tuer les chrétiens. Et beaucoup de races indiennes, de religions indiennes, indiennes de l'Inde, disent la même chose. Alors, il y en a, par exemple, ceux qui adorent Kali. Kali, c'est le mal. À eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent, et ça existe encore aujourd'hui dans certaines régions de l'Inde, ils ont l'obligation, pour gagner le ciel, d'étrangler avec une ficelle métallique un touriste. Alors, ça devient du tourisme. De par une grosse industrie touristique dans le coin. Il y a des régions que c'est assez compliqué. Alors, dans le coin de... un peu avant, près du Népal, près de l'Inde, cette secte fonctionne bien. Puis il y a d'autres régions aussi. Alors, est-ce qu'ils font le bien, est-ce qu'ils font le mal? Eh bien, écoutez bien, ils nourrissent leur Dieu. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses? Pour eux autres, ils pensent qu'ils font le bien. Mais est-ce qu'il y a une façon absolue, en dehors des religions, de regarder ce qui est bien ou mal, cosmiquement? Bon, donne-moi des exemples de bien. Ben, moi, c'est des... On va régler ça. Après ça, on pourra parler de ce qu'il faut faire. Quelque chose de bien, ça serait d'aider, par exemple, un enfant à évoluer de façon correcte sur la planète. Bon. De le faire grandir correctement. Ah ben, c'est ce que toutes les religions veulent faire. Même les sectes. Ceux qui donnent des douches d'eau froide aux enfants, puis qui les battent, puis qui les martyrisent, puis que les enfants peuvent pas voir leurs parents, ils font tout pour aider les enfants à avoir une évolution correcte, fait que ça selon leur vision. Ça dépend toujours du point de vue. Qu'est-ce qu'une évolution correcte? Qu'est-ce qu'une évolution correcte? Fait qu'on sait jamais si on fait le bien ou on fait le mal. Non, on sait qu'on fait toujours le mal. On dit toujours, on entend souvent, c'est l'intention qui compte. Eh oui. Est-ce qu'au moment où on le fait, pour celui de l'exemple que tu donnes, quelqu'un qui fait prendre une douche d'eau froide, bon, pour moi, c'est pas le bien, mais pour lui, ça l'est. L'intention est bonne. Ah, aucun problème. L'intention, par exemple, vous empruntez ou vous faites quelque chose à quelqu'un et ça vire tout croche. L'intention était bonne. Vous, par exemple, vous achetez un gâteau, vous allumez les chandelles, vous refermez la boîte par-dessus pour ne pas que ça paraisse, et là, vous rentrez dans le salon avec le gâteau, disons que c'est bon, et le feu prend après la boîte parce que l'autre, ça, c'est trop long avant d'ouvrir la boîte, vous échappez la boîte à terre, ça met le feu à la maison complète. L'intention qui comptait. Mais est-ce que vous allez avoir un karma blanc ou noir suite à l'incendie de la maison? Ah, ben là, ça dépend. C'est l'intention qui compte. Il fallait qu'il déménage. Ah oui, c'est karma blanc. Ce que je dis, c'est que tous les humains qui sont là vont te détester, ils vont te haïr. Tu ramasses encore du mal, mais l'intention qui compte, oui, elle compte en noir dans ton compte en banque. Mais l'intention compte. C'est une belle façon de dire les choses. Mais plus souvent qu'autrement, on ne vous aimera pas la face, même si l'intention compte. L'enfant qui arrive avec une pinte de lait brisée, ben, il voulait te rendre service, il voulait aller en chercher une. Ben, souvent, on chiale. Puis, certains sont capables de supporter un petit peu. Ils vont dire, bah, pauvre petit, tatatata, va m'en chercher un autre. Si ça vient encore avec l'autre passé, fait que l'intention ne compte pas longtemps. Non, l'intention ne compte pas non plus, elle compte en noir. Alors, quelqu'un qui veut faire le bien, puis qui s'adonne, qui fait le mal, il va encore payer pour. Et quand on pose un geste qu'on pense bien, on s'attire du karma noir. Exact. Quand on pose un geste qu'on pense mal, on s'attire aussi du karma noir. Oui, puis quand on pose un geste qu'on pense pas, on s'attire aussi du karma noir. Bon. Y a-t-il moyen de... On fait rien, faut plus bouger. Faut pas s'attirer de karma noir. Ah, même si tu ne bouges pas, tu t'attires du karma noir. Là, j'allais dire ça, je le dirais pas. C'est pas encouragé. Si on bouge pas, on s'attire du karma noir. Si on bouge, on s'attire du karma noir de n'importe quelle façon. Fait que qu'on fasse du bien ou qu'on fasse du mal, on sortit du mal. Oui, parce que tout ce qui est bien cache du mal. Puis tout ce qui est mal est souvent plus constructif humanitairement au niveau d'évolution que ce qui cache le bien, que le bien cache. Et c'est pourquoi, si tu fais du bien, ça engendre un karma noir, c'est ce qui fait évoluer l'humanité. Et ici, donc, le noir nécessairement est bon. Pour l'évolution. Pour l'évolution, pas pour l'humain. Oui, parce qu'on s'en fout en tant qu'humain. Exactement, on s'en fout en tant qu'humain, sauf que ce qui est évolutif se fout de l'humain. Autrement dit, si tu t'en fous en tant qu'humain, que c'est bon pour Dieu qu'on souffre, Ben Dieu, lui, il se fout de l'homme, lui. Fait que de toute façon, tu vas continuer à souffrir. Prenez l'exemple, est-ce que c'est bon pour Dieu que l'on souffre? Ben, les martyrs, c'est ceux-là qui sont les plus élus, hein? C'est ceux qui finissent par être béatifiés, puis à un moment donné, ils deviennent même des saints. Oui, mais ils ont fait du bien, les martyrs. Ah, ils ont fait du bien, les martyrs. Pourquoi les hommes ramassés sur le bûcher, mais ça, ils ont dû faire quelque chose qui était relativement intelligent pour leur religion ou pour leur religion. Pour exactement. Travailler. Comme par exemple, on peut prendre un saint qui a peut-être massacré énormément d'humains pour promouvoir la parole de Dieu. Ah, il devient un saint parce qu'il est mort sur un bûcher. Prenons M. Guillotine. Connaissez-vous M. Guillotine? C'est un Français. Il est mort, la tête tranchée par l'instrument qu'il a inventé, la guillotine. Alors, est-ce qu'il a fait le bien? Ah, il a fait le bien. Il a permis à la France de se libérer de plusieurs personnes. À l'époque, on tranchait les têtes des aristocrates véreux de l'époque, et on tranchait la tête des enfants, de ceux qu'on pensait qu'ils pouvaient le devenir, de ceux qui avaient le sang de ceux qu'on avait tués. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que M. Guillotine avait peut-être de 3 ou 4 générations un peu de sang comme ça. Alors, on lui a tranché la tête aussi. C'était bien. Jean le Baptiste, il a préparé les terrains pour Jésus-Christ. Il a tranché la tête. Le corps de Jésus et l'enfant Jésus ont reçu intelligence supramentale, c'est le bien. Il est mort sur la croix. Et, tu sais, on donne l'expression « les meilleurs partent en premier ». Il faut réellement regarder la planète un petit peu, pas émotivement, pas spirituellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la regarder comme on nous a enseigné à la regarder. Sur le plan planétaire, il y a une mécanique. Cette mécanique-là, elle engendre des conditions, elle engendre des réactions. Mais est-ce que cette mécanique-là sert l'humain ou si cette mécanique-là se sert de l'humain? Donc, si elle se sert de l'humain, nécessairement, tout ce qui arrive à l'humain, nécessairement, n'est pas fait pour aider l'humain. Mais il ne faudrait pas se conscientiser. Bien, on se conscientise de toute façon. On n'a pas le choix, là. On n'a pas de libre-arbitre, mais si on ne se conscientise pas, comme les exemples que tu as donnés, de Jean le Baptiste, puis Jésus, puis ils se ramassaient sur la croix, eux autres, ils se sont servis de l'intelligence supramentale ou de l'énergie supramentale, ils l'ont été, et puis ils se sont ramassés dans des conditions dont tu parles. Oui, mais sur la croix, qu'est-ce qui est mort? C'était l'ego de Jésus. Oui, mais son corps aussi. Oui, il était c'est pas grave ça. Le Baptiste avait trop d'ego, c'est l'ego qui est mort. Les religions servent l'ego de l'humain. C'est l'ego de l'humain qui a peur de la mort, qui a peur du diable, qui a peur de l'enfer, qui cherche le bonheur, qui cherche le paradis, c'est l'ego de l'humain. Ceux qui font la guerre, c'est des guerres d'ego. Les Indiens qui refusent que le lac Meech passe, il y a beaucoup de vengeance. Au départ, ce qu'ils ont dit. Alors maintenant, ils s'adoucissent un peu, mais un jour, le Québec devait s'associer lors du rapatriement de la Constitution, et finalement, le Québec n'a pas tout fait ce qu'il avait promis de faire. Et maintenant, c'est au tour de Québec de payer selon les Indiens. Peut-être que ça va aider le Québec. Mais c'est toujours des guerres d'ego. Oui, mais on est dans un siècle, dans un temps d'ego. On vit avec des égos. Oui. On a tout. Puis que la femme veut l'égalité. C'est ça. Là, le tout est égaux les uns les autres. Ah, exact. C'est pas ça. On n'a pas le choix. On a encore de l'ego. Même si on voudrait ne pas en avoir, ça, c'est encore de l'ego qui veut ne pas en avoir. Ça fait qu'on n'en sort plus. On a encore de l'ego. C'est parce que l'humain a été structuré pour penser qu'il était sur la planète Terre pour être heureux. Puis c'est pas ça. C'est impossible d'être heureux sur la planète Terre. Alors l'humain passe une grande, grande, grande partie de sa vie à rechercher le bonheur. Alors que le bonheur, ça n'existe pas sur la Terre. On a des plaisirs sur la Terre. Il n'y a pas de bonheur. Parce qu'un bonheur, si vous avez un bonheur que vous pouvez perdre à un moment donné, ben déjà là, vous avez un gros problème. Ben, on nous a toujours dit dans la religion que le bonheur était au ciel, n'était pas sur la terre. Ouais. Ça, c'est des promesses de politiciens. Toi, tu dis que quand on meurt, c'est pas mieux. Mm-hmm. Il est où? Il n'y a pas de bonheur là non plus. Dans le ciel, dans le monde de la mort, non. Là où vont les âmes non plus. C'est des promesses de politiciens. Mais t'en as plus. Puis en plus vous allez souffrir sur la planète, plus vous serez heureux en haut, et on n'est pas dedans du tout. Le bien, c'est... Bon, on va commencer avec le mal. Je vais commencer par le bien. Il n'a pas l'air d'être long, le bien. On va commencer avec le bien. 30 secondes, ça va être réglé. On parlera du mal après. Oui. Bon. Le bien, qu'est-ce que c'est? Le bien, c'est de la drogue qu'on donne à l'humain, à l'animal humain, à l'ego, pour qu'il puisse s'accommoder du mal. Ça, c'est le bien. J'expliquais à un moment donné, si vous avez une personne qui est assez âgée, comme celle qui restait près de chez moi, bon, mais quand elle arrivait avec ses paquets, je ne l'aidais pas à monter ses paquets. Il me regardait toujours avec une face bizarre, voulant dire que j'étais très mal élevé, etc. Elle était âgée, là, ses deux gros paquets d'épicerie montaient trois étages. Elle arrêtait à chaque dimanche, puis elle montait avec ça. Puis moi je l'aimais, je l'aidais, je faisais le bien. C'est-à-dire que je suis sur le balcon, puis je faisais des clins d'œil à chaque fois qu'elle arrêtait. Et cette personne-là pouvait me détester. Alors qu'une autre personne aurait fait le bien, elle aurait été régulièrement, quand il la voyait, il l'aurait descendu, puis il l'aurait aidé à monter ses sacs. Sauf que moi, je laissais la personne faire les seuls derniers exercices physiques qui lui restaient à faire. Il fallait bien qu'elle entretienne son corps physique un peu. Alors elle forçait, mais en réalité, elle faisait du conditionnement physique, mais elle ne le savait pas. Alors que ceux qui allaient l'aider lui ôtaient des poids, et elle, finalement, dans 2 ans, la vieille dame ne peut même plus monter son escalier. Pourquoi? Parce que faisant de moins en moins d'efforts, elle finit par s'en aller. Faire le bien, faire le mal, en réalité, une personne pourrait dire, bon, ben là, je me sens mal de ne pas faire le bien. T'sais, on se sent coupable de voir la dame qui ne peut pas monter. Alors, on a mal de ne pas pouvoir faire le bien. C'est déjà du mal, parce qu'on vous oblige à faire le bien. Sinon, vous vous sentez mal. Quand on fait des publicités sur les pays pauvres, on vous met des enfants tout nus, toutes maigres, à moitié morts à la télévision. Quand ça fait mal, on envoie de l'argent, on fait du bien. Sinon, on n'en fait pas. Alors, à un moment donné, la personne se sentant mal pour la petite vieille, ou manipulée par tout ce qu'elle nous... Tu sais, écoute bien, là, t'es un collectif, toi, là, t'es un animal humain, tu devrais réagir au fait que je suis là avec mes vieux sacs. Stéréotypalement, tu devrais venir m'aider. Alors, la personne se sentant mal d'être marginale, descend, ramasse les sacs de la petite madame, monte les sacs en haut, et pendant ce temps-là, autorise la petite madame à, dans 6 mois, plus être capable de bouger. Comme j'expliquais, s'il y a du verglas, s'il y a etc., ben là, je peux aller l'aider. Pourquoi? Parce que ça prend moins d'énergie d'aider à monter ses sacs que de la ramasser quand elle va descendre l'escalier. Mais c'est autre chose. Sauf que je lui laisse faire son conditionnement physique, c'est important qu'elle en fasse. Et elle ne comprend pas l'idée. Je ne peux pas lui dire, écoute, ben, faut que vous fassiez de l'exercice. Hein, mais là, il fait chaud. Ben, je sais, hein, vous le savez vous-même. Hein, c'est, il fait jamais assez beau faire de l'exercice. C'est trop loin, c'est trop pesant. On n'a pas un matin, j'ai trop mangé, pas assez mangé, il vient juste de manger. En tout cas, bref, on se fait ramasser. Donc, il faut que la vie nous oblige à. C'est mal, c'est bien. La personne qui veut aider la dame fait le mal et elle ira se vanter d'avoir fait le bien. Le bien, c'est une illusion, c'est une drogue qui nous permet de faire des choses qui nécessairement vont pour décrépir l'humain, mais qui en même temps permettent à l'ego humain, qui est un ego qui copie de l'intelligence, et dans l'intelligence, il n'y a que de l'esthétique. Qu'est-ce que l'humain doit faire? L'humain ne doit faire ni le bien ni le mal, l'humain doit faire des choses esthétiques. On va y revenir. Mais vu que dans l'ego, il y a une copie de l'esthétisme, et que l'ego n'est pas capable d'appliquer de l'intelligence, de la spontanéité, on a codifié l'esthétisme, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que des mécaniques qu'on appliquait, qui étaient laides, qui étaient énergétiquement inesthétiques, on a appelé ça le mal. Il y a des mécaniques qu'on applique qui semblent copier, qu'ils ont, quand on les applique, c'est un peu esthétique. Alors, ça, on a appelé ça le bien. Mais les deux mécaniques appliquées, quel que soit le bien ou le mal, il y en a une qui est esthétiquement plus énergétique, l'autre inesthétique, mais les deux mécaniques font en sorte d'amener l'humain à une seule condition, celle du contact avec son ajusteur de pensée, c'est-à-dire que le bien ou le mal ont une seule fonction, c'est d'écœurer l'humain pour que l'humain parvienne à l'écœurement de l'écœurement, et c'est là que l'ajusteur de pensée commence à se déconnecter du canal réincarnationnel pour se connecter à l'intelligence supramentale, à l'esprit. Le bien et le mal ont une seule fonction, faire l'humain, donc l'écœurer. Te pousser à évoluer. Te pousser dans l'évolution. Dans l'évolution. On appelle ça un coup de pied au... wow. De l'évolution. C'est ça. Un coup de pied au culte. Dans l'exemple que tu donnais tantôt, tu as dit, si tu vas aider la dame qui est en train de monter les sacs, tu fais le bien, comme ça tu t'en vantes. Celui qui le ferait sans s'en vanter, justement, aller l'aider à monter ses sacs, puis retourner s'asseoir sur sa galerie. Il vient de faire le mal, parce qu'il a fait le bien. Oui, mais est-ce que s'il est capable de conserver, parce que ça donne de l'énergie, on dit toujours, ça fait plus plaisir de donner un cadeau que d'en recevoir. Ben moi, en tout cas, j'aime bien quand on... Ben, toi, je sais, toi, c'est le contraire. J'ai remarqué, j'ai bien eu à Noël. Qui a dit que ça faisait plus... Qui a dit que ça faisait plus plaisir de donner que de recevoir, sinon celui qui veut recevoir? Ben, ma mère m'a toujours dit ça. D'ailleurs, je fais toujours des beaux cadeaux. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'elle veut que... Elle veut que tu sois heureux. Alors, moi aussi, je veux que tu sois heureux, Charles. Donne-moi des cadeaux. Mais c'est encore faux. Regardez à Noël la problématique des maudits cadeaux. Hein? On ne parle pas des cadeaux, on parle des maudits cadeaux. Puis là encore, j'entends des gens autour de moi régulièrement. « Ah, mais là, si on va là, là, elle va nous faire des cadeaux. » Et puis après, « Ben oui, mais moi, j'ai pas le temps d'en acheter. » On n'a rien à foutre, elle nous invite, elle nous fait des cadeaux pendant les cadeaux. « Ah oui, mais tu penses que moi, je vais arriver là-bas, puis ça me donne des cadeaux, j'aurai pas de cadeaux à y donner. » Mais elle, elle se dit la même chose, et ensuite, on vient avec des cadeaux, pour ça qu'elle en a acheté. Bon, mais non. Il n'y a pas plus de... C'est même pas plus énergisant. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas capable de conserver une certaine énergie? Je vais t'expliquer. Quand vous donnez à quelqu'un, ce n'est pas plus énergisant, c'est plus synergisant. Pour les deux. La synergie, c'est les deux. On parle du donneur pour l'instant. Non, parce que tu peux avoir une synergie interne. Une synergie, c'est lorsqu'il y a un mouvement d'énergie sans, apparemment sans condition extérieure. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une forme d'énergisation illusoire, il n'y a pas d'énergification, quand vous donnez ou quand on fait le bien. La personne qui descend l'escalier et qui s'en va aider la dame à monter, qui arrive en haut, puis rendu en haut, le gars ou la fille, lui donne 50$ en plus. Fait que là, il donne. Puis en plus, il a démonté ses paquets. Il donne 50$ pour l'abonnement à son club d'éducation physique. T'sais, il va monter ses sacs à chaque fois. Il s'abonne. Il va faire des conditionnements physiques. Il a fait le bien. Il a même donné. Est-ce qu'il gagne en énergie? Non. Par contre, chez lui, l'énergie de son corps astral est stimulée, c'est-à-dire qu'elle se met à tourner, ce qui crée l'illusion de bien-être. Mais tu t'épuises. Et une personne qui donne trop perd. On a l'exemple des personnes qui disent qu'ils ne sont pas capables de dire non et qui disent toujours oui. Ils se font drainer. À un moment donné, ils vont se rendre compte que ce que le bien qu'ils font est très mal pour eux. Et en plus, ils peuvent découvrir que finalement, c'est même mal pour les autres. Pourquoi? Parce que inconsciemment, involontairement, la personne qui a toujours fait le bien a assujetti tous les autres à être ses esclaves. Et souvent, les parents font cela. Les mères, les pères, surtout les mères, mais les pères de plus en plus, ils vont s'arranger, par exemple, pour laver le linge de leurs enfants, même si l'enfant a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Premièrement, pour baigner dans l'énergie de l'enfant, têter un peu le linge, pas trop pire. Quand l'enfant était jeune, c'est lui qui ramassait le linge de ses parents pour têter dedans. Un chandail, quelque chose comme ça. Mais en même temps, c'est parce que l'enfant ne partira pas de la maison. Parce qu'il n'a pas appris à faire son lavage. Fait que j'y fais encore son lunch. J'y fais encore un peu à manger, j'y fais son lavage, j'y fais encore des petites bebelles, je fais le bien. Mais inconsciemment, tu t'arranges pour que l'enfant soit bien mal pris quand il va s'en aller. Bon, comme par exemple, les parents qui s'en iraient puis qui disent à leurs enfants, ils partent pour 2 semaines, bon, j'espère que ça n'ennuiera pas trop, bon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est ça, puis on donne plein de conseils, puis on s'arrange pour l'alimenter énormément, pour qu'il s'ennuie énormément quand on va être parti. Bon. Si on regarde la mère ours, qu'est-ce qu'elle fait pour que son ourson décolle? Elle lui donne 3-4 baffes. Elle le mord. Elle l'attaque à un moment donné. L'ourson ne comprend pas, mais il s'en va. C'est le bien généré par le mal? Oui. Alors, quand on parle de faire le bien, on se stimule temporairement, mais on gaspille de l'énergie. Puis quand on fait le mal, vu que c'est inesthétique, ça ne nous stimule pas autant, ça stimule une partie de notre ego quand même. Mais pas la partie de l'ego la plus évolutive, c'est-à-dire celle qui accepte le plus l'évolution de la conscience. Parce que l'ego n'évolue pas, mais il y a une partie homme, il y a une partie anti-homme. La partie homme très limitée, très petite, elle accepte l'évolution de la conscience. Celle-là va se stimuler à l'intérieur. Quand tu fais une action mécanique esthétique, on appelle cela le bien, et la partie anti-homme beaucoup plus grosse, celle, la mémoire de l'humain en général, avec les préjugés, les désirs, les émotivités, etc., les mémoires réincarnationnelles des adultes, ça va se stimuler lorsque tu fais une action inécologique, c'est-à-dire une action qui est inesthétique, qu'on appelle aussi le mal. Mais dans les deux cas, tout ce qui est fait par l'humain et tout ce qui est fait par la condition événementielle planétaire, quel que soit l'événement, tremblement de terre, ouragan, regardez, il y aura toujours du bien. Moi, je peux te trouver de l'intelligence sous-jacente à tout ce qui se passe sur la planète. Il y a de l'intelligence. Est-ce qu'il y a du bien ou du mal? Il y a de la conscience, il y a de l'intelligence, il y a de l'esprit. Mais c'est de l'intelligence, est-ce que c'est bien ou c'est mal? L'intelligence, ce n'est ni bien ni mal. C'est de l'intelligence. C'est neutre. Mm-hmm. Ce n'est même pas neutre. Plus, ce n'est pas du bien, ce n'est pas du mal. C'est quoi? C'est de l'intelligence. C'est pas neutre. Non. Ben, si c'est pas neutre, c'est d'un côté ou de l'autre. Non plus. Ça n'a rien à voir avec ça. T'as déjà dit que... C'est comme, par exemple, prends un blanc, un noir. Alors, le chinois, le jaune, lui, il est neutre. Il est gris. Non, il est ni blanc, ni noir. Ben, s'il est pas blanc, il est pas noir, il est gris. Il est jaune. Pas gris. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas d'allure. Il est jaune. Ça n'a rien à voir. Est-ce que l'intelligence est bien ou mal? Ça n'a rien à voir. C'est neutre? Non plus. Est-ce que c'est une thèse? Non. L'antithèse? Non. La synthèse? Non plus. Ça n'a rien à voir. C'est dans le monde de l'humain, dans le monde de l'ego de l'homme, de la femme, de l'enfant. C'est dans le monde astral, c'est dans le monde involutif, là où se préparent les prémices de l'évolution de la conscience, que va habiter la dualité de perception qu'on appelle le bien et le mal. Mais cette dualité de perception, bien et mal, est mal. Dans l'intelligence, il n'y en a pas de dualité. Non. Parce que tu as déjà dit que plus on polluait, plus on amincissait la couche d'ozone, plus on amincit la... Ça, c'est mal. C'est bien. Théoriquement. Plus on amincit la couche d'ozone, plus ça permet à l'intelligence supplémentaire de descendre au Québec. Donc, ça, c'est bien. Oui. Mais vu que c'est de l'intelligence, c'est ni un ni l'autre. L'intelligence supplémentaire descend au Québec, puis il y a des martyrs de la transition supplémentaire, puis il y a des gens qui se conscientisent, qui détestent la vie, qui perdent deux amis, puis... C'est mal ou c'est bien, ça? Ou c'est intelligent? C'est intelligent. C'est mal. Il faudra réinventer un mot. Non, c'est pas nécessaire. C'est... Comprenons la mécanique. L'humain peut parvenir nécessairement à se dissocier progressivement de l'action karmique qui va l'obliger à recevoir toujours du karma noir. Maintenant, faut bien comprendre l'idée, c'est que le karma individuel qu'on a est un karma qui est peut-être 5 à 7% du karma général. C'est-à-dire que sur 100% de ce que vous avez à supporter comme poids de vie, il y a peut-être un 5 à 7% qui est engendré par l'incompréhension de l'ego dans son action face à la vie. On pourrait dire qu'il est engendré par vous. Bon, le 95%, 92 à 95% du karma que l'humain porte est un karma qui est engendré par sa structure réincarnationnelle. Là-dessus, ce 95%-là, il y a peut-être 90% qui est un karma relatif, qui est la culpabilité, qu'on peut apprendre à y éliminer. Mais à un moment donné, on comprend tout le principe, on sent encore coupable. Bon, ça, c'est la société, c'est le collectivisme. Et le reste du karma, à part quelques petits pourcentages, est un karma collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, il faut comprendre l'idée. À l'intérieur de sa structure astrale, de son ego, donc de sa psychologie, la psychologie, je le répète, c'est la relation dans l'âme entre les désirs, les mémoires et l'émotion. C'est la relation qui existe entre ça. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Bon, la psychologie de l'humain, elle est à l'intérieur d'une âme, l'âme étant enrobée d'une enveloppe de péri. À l'intérieur ici. Tu fais le bien, je donne l'exemple souvent, vous achetez un ballon à votre enfant, le ballon traverse la rue, l'enfant suit, puis l'enfant se fait tuer, tu as fait le bien, ton enfant est mort. Si tu n'aurais jamais acheté de ballon, l'enfant serait vivant, puis tu aurais détesté le restant de tes jours. Alors tu faisais quoi? Ben, tu achetais un ballon, puis tu mettais une clôture. Puis là, l'enfant, il va aller de l'autre bord de la clôture, c'est un teflon. Mais ta clôture est d'un genre. Il vient pour traverser la clôture, puis il s'accroche, tombe. En tout cas, bon, pas en mettre des choses. La vie reste la vie. La mécanique est mal. Pour l'humain. L'humain ne fait que souffrir. Qu'est-ce que vous avez à foutre des virus qui vous donnent des maladies? Hein? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Les maringouins. Toutes les maladies, les bubites qui piquent. Ça nourrit les oiseaux. Il n'y a pas de bâti pour manger d'autres choses. On aurait réglé le problème. J'aurais pu manger du gazon, on n'aurait pas eu besoin d'elle tombe. Eh oui. Non, ils mettent des bébites. Ce qu'on doit comprendre, donc, c'est qu'il y a une mécanique qui manipule l'humain à évoluer, qui s'adresse à l'extérieur de l'ego et qui pénètre l'ego par vos sens et qui pénètre l'ego par votre conscience. Ça, c'est l'extérieur, c'est la vie. Et il y a une mécanique à l'intérieur de nous qui, elle, en plus d'être écrasée par l'extérieur, par des mécaniques qui ne sont pas nécessairement écologiques par rapport à nous-mêmes, en tant que point, disons, dans l'écosystème, en plus, il y a une mécanique qui travaille par l'interne pour nous distraire aussi. On pourrait dire pour nous faire évoluer. Diront certains pour nous détruire. On est bien mal pris. On est brûlé par un feu en dedans et écrasé par un feu dehors. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'ego, quand l'humain fait le bien, quand l'humain fait le mal, à chaque fois que l'humain se mêle, consciemment ou volontairement, de créer quelque chose dans l'événementiel, donc dans la vie, il essaie souvent de s'alimenter par ce qu'il va créer, ce que l'on ne doit pas faire. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'alimenter en accomplissant quelque chose, mais qui n'entraînera pas le mal, qui va même entraîner une énergisation, donc qui va nous amener de l'énergie. Alors que l'humain qui fait quelque chose pour faire le bien a déjà sa récompense, stimulation à l'intérieur, qui, elle, bloque totalement les capteurs que l'animal humain a ou que l'humain a au niveau de son corps physique pour aller chercher de l'énergie. Je vais simplifier tout à l'heure. Alors, quand l'humain veut faire le bien ou veut faire le mal, quand l'humain veut faire le bien, c'est qu'il a un désir. Quand l'humain veut faire le mal, c'est que pour lui, c'est bien, ça le nourrit aussi. Il travaille dans son ego à accomplir une mécanique extérieure qui, illusoirement, vient de donner de l'énergie, mais l'humain sera toujours en manque, il sera toujours confiné à recréer les choses pour recréer la stimulation. Il ne peut pas être sevré du mal ou du bien. Ça va l'obliger régulièrement à vouloir faire le mal et à découvrir que, finalement, le coup qu'il a fait à l'autre, elle l'a rendu millionnaire. Il souffre. À vouloir faire le bien, à se rendre compte que ce qu'il a offert à l'autre, par exemple, j'achète un billet de loterie, il gagne 3 millions de dollars, 2 semaines après, il est divorcé. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Alors, en faisant le bien, j'ai fait le mal. Et toi, tu pourrais me dire, ton intention était bonne, oui, mais tu risques aussi de me détester. Ton maudit billet, ce qui nous a amené, c'est la chicane. Parce que je désire faire des choses... Je pourrais me forcer, puis peut-être qu'on chicanerait pas. Ça vaut la peine d'essayer. Oui. Fais confiance à l'ego. De toute façon, toi, dans ton cas, si je t'en achète un, tu reperds. Bon. Alors, faites confiance à l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que chaque fois que l'être humain, de par ce qui se passe à l'intérieur, accomplit une action à l'extérieur, non seulement il perd de l'énergie, mais en plus, chaque fois qu'il accomplit une action, il a 80% des chances que l'action qu'il veut accomplir ne donne pas le résultat qu'il voulait. Donc, il va nécessairement uniquement se casser les dents sur la vie en mordant dedans. Alors que si on est capable de comprendre la mécanique, on va revenir sur ce phénomène-là, si on peut comprendre la mécanique, nécessairement, progressivement, on va cesser de vouloir accomplir, de vouloir faire des choses dans la vie par désir, bien ou mal, fuite du mal, recherche du bien, dans certains cas, fuite du bien, recherche du mal. Mais on n'aura pas pour autant éliminé toute la problématique du karma. Pourquoi? Parce qu'on a éliminé le karma, le 5 à 7% qu'on ramasse à l'intérieur, mais il reste maintenant le karma collectif. Et si on est capable d'éliminer le 5 à 7% de karma à l'intérieur, là, on va commencer, si on est capable de se nourrir un peu de l'esthétisme de l'accomplissement d'une action, on va être capable de se nourrir d'un peu d'énergie, ce qui va nous amener progressivement à nous dissocier de la culpabilité, nous dissocier de la culpabilité sans sentir coupable d'être coupable ou sans sentir coupable de ne plus sentir coupable, en nous dissociant de la culpabilité, on va éliminer 80% du reste du karma. Et là, on va, à l'intérieur, commencer à avoir une plénitude que animal humain n'a jamais connue et que rares sont les humains qui ont connu ça. Quand je parle d'animal humain, je parle toujours de tout ce qui, dans l'humain, le force à agir comme un animal. Que ce soit les guerres, que ce soit il chiale quand il pleut, quand il chiale quand il neige, il chiale quand il fait chaud, il est jaloux d'un tel, bon, l'homme veut faire l'amour avec la femelle sans arrêt, la femelle elle veut ceci, elle veut cela. Bon, quand on parle de guerre d'ego, c'est pas ça pour moi l'humain. L'humain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus esthétique que ça. Il y a des humains, et la majorité des humains sont habités par un ego, donc par un animal humain. Est-ce qu'on peut faire l'inverse de ce que tu dis, c'est-à-dire si on se dissocie de la collectivité, du 75-80% de karma, à ce moment-là, aller chercher l'énergie dont on a besoin puis se débarrasser du karma relatif, pas karma relatif, mais notre karma individuel. C'est-à-dire que pour te dissocier de la collectivité, il va déjà falloir que tu cesses de faire le bien puis que tu cesses de faire le mal. Tu vas ramasser un peu d'énergie et tu vas éliminer le phénomène de la culpabilité et il va rester quand même du karma. Mais tantôt, tu as dit que si on fait le bien, si on fait n'importe quoi, on fait le mal. Si on bouge pas, on fait le mal. Mais que l'intelligence, c'était ni le bien ni le mal. Si on fait ce qui est intelligent, par mon ego qui fait de la déduction, là. Si on fait ce qui est intelligent, on n'a fait ni le bien ni le mal. Exact. Est-ce que là, on s'énergise? Là, on s'énergise, et c'est ce que j'expliquais, c'est que si on cesse de faire le bien ou le mal, et qu'on fait un autre, quelque chose d'autre pour ramasser de l'énergie, c'est ça, faire ce qui est intelligent. Maintenant, c'est quoi faire ce qui est intelligent? C'était ma prochaine question. Ah, OK. Faire ce qui est intelligent, ben je... Copier. OK, on va faire un bout. Faire ce qui est intelligent, ça devrait être faire quelque chose qui est sans ego. Oui, et c'est ça qui est le problème. Si l'ego décide, tiens, je ne ferai plus le bien, je ne ferai plus le mal, je vais faire ce qui est intelligent, il va encore faire le bien. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est bien de faire ce qui est intelligent. Et c'est pas ça. C'est faire quelque chose sans ego. Ça veut dire quoi, faire quelque chose sans ego? Est-ce qu'il y a plusieurs moyens de faire quelque chose sans ego? Puis, est-ce qu'on ferait la même chose absolument ou nécessairement? Je reprends l'exemple de ta vieille madame qui montait les marches. Si on est cinq sur le balcon, mais qu'on se voit pas, là, cinq balcons différents, puis que les cinq sont intelligents, sans ego, est-ce que les cinq vont la regarder passer ou est-ce que ça se peut qu'il y en ait un qui a l'aider? Peut-être. S'il y a une personne plus âgée que la dame, il fallait faire l'exercice. OK. Sinon, les cinq la regarderaient. On récapitule un peu. De toute façon, il y a une période de questions. Vous pourriez poser vos questions. Il y en a un qui est en chaise roulante puis il va l'aider. Vous l'aider à descendre, à monter, ça va être compliqué. On a besoin souvent dans nos conceptions spirituelles de croire en certaines choses. Alors, l'humain croit qu'un jour il sera heureux. Quand il est jeune, il croit que lorsqu'il sera adolescent ou adulte, il sera heureux. Lorsqu'il est adulte ou adolescent, il croit que plus tard, il pourra aller chercher le bonheur, alors il travaillera pour aller le chercher. Rendu à un certain âge, il découvre qu'il était peut-être beaucoup plus heureux quand il était jeune. Il a tellement couru après qu'il a passé du droit. C'est évident pour la simple raison que ça n'existe pas sur la planète. C'est les plaisirs qui existent. Oh, on peut rendre quelqu'un heureux, de quelle façon? En l'handicapant totalement. Exemple. Il y a une personne que vous ne connaissez pas et tout le groupe ici, on décide qu'on l'entretient. Alors, quand elle s'ennuie, elle nous appelle immédiatement, il y en a du lot qui va la désennuyer. Quand elle est bon, on va lui faire la nourriture, on la sort, on la masse, on s'occupe de tout. Pour qu'elle n'ait plus jamais aucun problème. Elle sera totalement heureuse. Oui. Mais si elle ne meurt pas avant nous, donc, si on meurt avant elle, elle payera le prix de son bonheur. Parce que lorsque tous ceux qu'elle aura tant aimés seront partis, elle sera en enfer à leur vivante. Et c'est pourquoi souvent, il y a certaines personnes qui disent, « Moi, j'espère que je vais mourir avant mon mari ou avant ma femme. » Pourquoi? Ben parce que je ne veux pas supporter la condition qui va suivre s'il part avant moi. L'humain est orgueilleux et égoïste. Il y en a beaucoup qui ont peur de tomber en amour, peur de se marier, en cas qu'ils se séparent, en cas qu'il y ait une peine d'amour. Mais oui, si tu as toujours peur de quelque chose... De toucher à une forme de bonheur terrestre, parce que c'est très dangereux d'y goûter. Et quand tu y goûtes, tu allumes un feu chez toi, puis un feu qui nécessairement va brûler l'humain. Tant que tu es heureux, ça te détruit. Puis quand tu es malheureux, ça te détruit autant. Regardez l'amour. Ils s'aiment, ils s'adorent, ils se partagent tout. Tout. À un moment donné, le corps astral de l'un des deux ne se nourrit plus de la présence de l'autre. On va revenir sur l'alimentation en amour au mois d'août. Et la femme ou l'homme décide de se nourrir d'un autre. Donc tombe en amour avec un autre. Et le bonhomme ou la bonne femme qui se retrouve seul, à un moment donné, passe dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un meurtre passionnel. Il s'est suicidé normalement. Il ne veut pas vivre sans l'autre. D'aucune façon. Si l'autre s'en va, je vis sans elle. Pas question, je l'aime. Et je la tue, puis après ça, et puis là, pas question, je me tue. L'amour, c'est bien, et l'amour, ça tue. Alors, il y a donc une autre façon d'amener l'idée de l'amour, ce que j'appelle l'amour intelligent, une relation sentimentique. On va venir là-dessus plus tard. Mais c'est la même chose pour le bien ou pour le mal. L'humain qui part avec la vision archétypée, c'est-à-dire, non pas avec une vision d'intelligence, mais une vision d'instruction, que le bien, ça existe, qu'on doit faire le bien, bien, l'Allemagne a fait le bien, les Romains ont fait le bien, les Macédoniens ont fait le bien, les Japonais ont fait le bien. Ils étaient les fils du soleil, ils avaient la peau jaune couleur du soleil, il fallait qu'ils conquérissent le monde. Ils sont associés avec Adolf Hitler, puis se partagent la terre en deux. Puis les deux, probablement, ils jetaient déjà comment étaient pour conquérir l'autre. Une fois la guerre gagnée, ils l'ont perdue. Ils faisaient le bien. Quand l'humain veut, si l'humain veut absolument, si l'ego veut absolument conserver l'idée qu'il existe du bien sur la planète Terre, il va nécessairement poursuivre une vie très sinusoïdale, où il y aura du bonheur, du malheur, du bonheur, il souffrira tout le temps. Et en plus, il ne fait que continuer à se brûler dans un feu qui devra l'amener à l'écœurement de l'écœurement. Alors que l'humain peut faire autre chose que faire du bien, c'est faire des choses qui sont esthétiques. Mais faire des choses qui sont esthétiques veut dire ne plus ramasser de karma noir ou blanc, c'est déjà pas mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il peut neiger, ou s'il y a du verglas, par exemple, je descends, j'aide la dame à monter, et elle me remercie. Tu redescends un sac. Ouais. Là où il y a, exactement, je redescends les sacs, j'ai fait un gros rot, ou je sais pas trop, je l'envoie promener, là, bêtement. Comment se faire aimer? Tu devrais écrire un livre là-dessus. Comment se faire des amis? Ben, le premier livre que j'ai voulu écrire était similaire à ça. Mais tu redescends les sacs, ça va te donner quoi? C'est juste que ça te dissocie de son karma? Parce que tu te rattaches à elle, parce qu'elle avait remercié? Elle dit merci, reste esthétique, descends les sacs de 2-3 marches. Elle va être frustrée. Mais si tu lui dis non, je veux pas... il est trop tard, là, elle l'a dit. Mais là, si tu dis non, j'ai pas besoin de remerciements, elle était humble en plus. Ah, oh, ben tabarnouche, ah, oh, ben là, elle est tellement maudite. C'est encore pire. Et c'est une chose qui est très utile. Progressivement, ça change plusieurs conditions de notre vie. Ça ne paraît pas comme ça. Accomplissez des choses intelligentes, mais qu'est-ce que c'est une chose intelligente? Esthétique. Est-ce que c'est beau de... Je vais donner un exemple à un moment donné. Vous avez, vous êtes propriétaire d'un appartement, d'un logement avec d'une bâtisse avec 3 logements. Vous décidez de vendre et dans l'une de ces bâtisses-là, il y avait une dame qui était là ou un homme. Une personne âgée qui ne rentre pas beaucoup d'argent et puis son loyer était toujours à 200 par mois, puis finalement, vous la supportiez. L'édifice se payait par lui-même de toute façon, et puis on le tient, bon, on la laisse aller. On jase avec de temps en temps, elle est plaisante, la personne, homme ou femme, et puis on est à 200 par mois alors que les loyers sont à 450 par mois. À un moment donné, vous décidez de vendre l'édifice. Alors, vous allez voir un acheteur, puis celui qui va acheter l'édifice, il va augmenter le loyer ou mettre la petite madame ou le petit monsieur dehors. Est-ce que c'est esthétique de vendre comme ça sans avertir l'autre? L'autre, qui maintenant est habitué à vous et à avoir un 200$ de loyer à payer. Puis l'autre s'est décidé dans sa tête que jamais plus il ou elle n'aura de problème de loyer. Parce que le bon monsieur ou la bonne madame en bas, le propriétaire, alors là, vous allez l'avertir que vous vendez. C'est comme si vous mettiez quelqu'un dehors dans la rue. Esthétiquement, la personne va dire, moi, mais je veux faire le bien. C'est ce qu'elle va dire. Elle va dire, moi, mais là, moi, je ne veux pas faire le mal. Qu'est-ce qui manipule ou qu'est-ce qui manipule vos égos à faire le bien? C'est toujours la vision de l'esthétisme, je le répète. C'est que la partie de l'ego qui veut faire le bien essaie de copier Elle veut se nourrir d'un esthétisme dans l'action, alors qu'elle n'accomplit pas des choses intelligentes, elle les accomplit par besoin émotif. Comment on se débarrasse de l'édifice sans nécessairement se débarrasser du locataire? Alors, on doit trouver une solution qui est esthétique. Pas une solution que l'autre va comprendre. C'est là la nuance. Une solution qui est esthétique. Par exemple, je dis à l'acheteur, vous achetez la maison, mais on signe une clause comme quoi que je vous la vends à la condition que vous conserviez le locataire à ce loyer-là. Et là, je ne pourrais jamais vendre mon édifice. Alors, je vais voir la personne, puis je lui dis, écoutez, je suis obligé de vendre l'édifice, mais ce que je peux faire, c'est que je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vous loger pour 225 ou 250, quelque chose comme ça. On fait quelque chose d'esthétique. L'idée, c'est que si c'est très esthétique, puis que l'autre dit, ben oui, mais moi, je ne vais pas m'en aller d'ici, ça ne nous rend pas. Alors, il y a une nuance entre vouloir faire le bien. Le faire le bien, c'est de faire en sorte que l'autre ne soit pas malheureux. Mais là, ça va assujettir notre action à la déficience énergétique de l'autre. Tu ne t'associes pas à son karma en faisant ça, en trouvant une autre place qui a le jus ou en mettant une clause dans la vente de l'édifice? Non, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est esthétique. C'est-à-dire que pourquoi tu ne t'associes pas à ton karma? C'est que tu es déjà assujetti à son karma parce que tu lui as déjà autorisé ça. Mais là, maintenant, tu ne peux pas amplifier le karma en faisant le bien ou en faisant le mal. Tu es déjà assujetti à son karma. Exactement comme si moi, j'achète la maison, puis il y a quelqu'un dedans qui veut rester dedans, puis qui est habitué dedans, puis qui est incarné dedans. Esthétiquement, je peux agir comme ça. Bon, il y a dans chaque action de la vie, l'intelligence peut venir structurer une façon d'accomplir une chose qui paie par l'esthétique. On pourrait aussi dire par l'aristocratie. Est-ce que c'est aristocrate de prendre une personne qui peut-être est maintenant habituée là émotivement? On va dire, nous, on n'a rien à faire avec l'émotion. Fais attention, l'émotion, c'est ce qui nourrit le corps astral. Quand ça nourrit l'ego, c'est dangereux. Mais elle se nourrit d'ego comme ça. Il y a une perturbation qu'on va créer dans le monde de la mort si on la met dans la rue. Perturbation qui va nous déranger karmiquement et qui va déranger aussi une partie du contexte planétaire. C'est-à-dire qu'on continue à stimuler le monde de la mort, ce n'est pas intelligent et ce n'est pas aristocrate non plus de faire cela comme ça. Alors, on fait quoi? Eh bien, l'idée, c'est ça. C'est qu'on doit trouver une façon d'accomplir quelque chose qui n'est pas déterminé par le point de vue de l'autre ou par le point de vue de la collectivité, mais qui est uniquement déterminé par le point de vue de l'intelligence, notre intelligence. Oui, mais si on est manipulé, tant pis. Mais il faut qu'on commence par appliquer quelque part. Si je n'ai pas assez d'intelligence, puis je me suis trompé, on ne se trompe jamais quand on applique notre intelligence. Bon. Alors, comme tout à l'heure tu disais, s'il y a on est sur 5 balcons, c'est 5 personnes qui sont aristocrates, qui veulent appliquer de l'intelligence. On ne parle pas des aristocrates du passé, on parle. Aristos-Kratos, ça veut dire quoi? Excellent et puissant. Voilà, un aristocrate, c'est quelqu'un qui a de la puissance, pas du pouvoir, et qui excelle, donc intelligent. L'aristocrate, c'est cela. C'est sûr que dans le passé, l'aristocrate était coloré par la vision astrale, la vision émotive, la vision de l'ego, de ce que c'était puissance, pouvoir, et excellent voulait dire, mais excellent au ping-pong, qui est un sport inventé par les Britanniques, excellent au pool, excellent au billard, excellent en équitation, excellent, etc. Mais en même temps, c'est intéressant, c'est excellent en art, excellent en médecine, excellent, bon, il y a ces autres qui ont permis les croissances des sociétés. Mais à cause que puissance est égale à pouvoir, ils ont souvent dominé d'une façon astrale les sociétés. Mais l'aristocratos de l'avenir, l'aristocrate supramental, l'aristocrate planétaire, lui, c'est une autre structure. Appliquer d'intelligence, donc, veut dire de faire des choses qui sont esthétiques. Autrement dit, spirituellement, une personne pourrait dire, tout ce que l'humain a à faire, c'est de s'arranger pour rendre beau le cadre. Rendre belle la planète. Rendre beau un événement. Mais rendre beau veut donc dire esthétiser, c'est-à-dire mettre de l'esthétisme. Mais remettre de l'esthétisme dans le but de dire, quand je mets de l'esthétisme, ça lui plaît. Et le fait qu'il soit content, je suis content. Je m'assujettis à son karma parce que je vis dans mon astralité ce qu'il vit dans son astralité et je vais le faire finalement pour vivre de l'astralité qui me plaît, alors je vais le faire pour qu'il se sente bien, parce que quand il se sent bien, je me sens bien, donc je le fais pour me sentir bien. Par personne interposée, je me collectivise, je crée du mal en ce sens que je l'assujettis à mes actions. Si je fais le bien pour qu'il soit content ou qu'elle soit contente et qu'elle n'aime pas ça, je vais souffrir. Donc, dans le bien, il y a toujours le mal sous-jacent. Si j'accomplis quelque chose, dans son jardin, ses plantes sont en train de mourir. Je donne un exemple. Si moi, je vois comme étant esthétique d'aller arroser les plantes, aristocrate d'aller arroser ses plantes, je ne lui rends pas service. Je ne lui nuis pas non plus. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain où il y a des plantes est totalement dissocié de ce que je fais. Maintenant, si je vais arroser les plantes parce que pauvre petite plante, là, je m'assujettis au karma des plantes. C'est pas énorme. C'est un petit karma. Microscopique. C'est moins pire que s'associer au karma de celui qui les arrose pas. Sauf qu'on n'a pas compris la mécanique. Alors, comme j'explique, vous promenez, vous faites n'importe quoi, vous conduisez votre automobile. Il pleut un tantinet à peine. Alors, hier, vous arrêtez sur un feu, un arrêt-stop. Il y a un piéton qui veut traverser la rue. Vous êtes arrivé avant lui sur le coin, disons, la priorité. Le laissez-vous passer ou si vous passez? Est-ce qu'il devra attendre ou vous allez devoir attendre? Il pleut un tantinet. Un aristocrate, ou esthétiquement, qu'est-ce qui devrait être fait? T'attends. Sauf si t'es pressé. Oui. Mais exactement. Si tu conduis une ambulance. Mais si t'es pas pressé, t'attends. Exactement. Et là, on dit, ouais, mais c'est... Il pleut. C'est logique que celui qui est à l'abri laisse la place à celui qui est dehors. Mais on s'en fout de l'autre. C'est une question d'esthétisme planétaire. Alors, tu vas laisser passer quelqu'un. Comme dans ton exemple des plantes tantôt, si c'est juste une raison intelligente de ne pas laisser mourir des plantes parce qu'ils sont en train de pousser puis ils sont en train de sécher, si c'est juste une raison intelligente d'aller arroser les plantes, là, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous vous ennuyez pas. Vous êtes intelligent. Passez par hasard avec un arrosoir. Non, mais vous êtes chez vous en train d'arroser les vôtres. Et puis, à un moment donné, vous voyez les siennes qui manquent d'eau. Ça te volait sur l'autre jardin. Alors, vous rentrez dans son jardin, vous arrosez les siennes. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la conscience des individus? Ah, mais là, qu'est-ce que les voisins vont dire? Le propriétaire, s'il nous voit arriver sur son terrain, sur son gazon, avec notre boyau d'arrosage, commence à arroser ses plantes. Vous voyez ce qui arrive, c'est ça. C'est que là, notre action d'esthétisme, donc d'intelligence, va être contrée par « fais-je le bien » ou « si je fais le mal ». On se fait aider par l'ego, là. Oui, j'arrose les plantes. Il devrait être content, mais si il pense que je pise un espace vital, je fais le mal. Est-ce que je fais le bien ou si je fais le mal? Et ça, le bien ou le mal ramasse du karma pour lui-même. Alors que si on accomplit, et non pas si on fait, si on accomplit de l'esthétisme d'aristocratie, c'est-à-dire que si on accomplit, si on bouge, parce que c'est esthétique, on ne cumule pas de karma, mais en plus, on ramasse de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'en vais chez quelqu'un et je me rends compte que il est dans la cuisine. Je descends au sous-sol pour aller voir quelque chose. Je me rends compte qu'il y a une lumière d'allumée dans une des chambres. Inutilement. J'éteins la lumière. Pourquoi j'éteins la lumière? Pas pour faire le bien. Pas pour faire le mal. C'est intelligent. C'est esthétique. De cesser de gaspiller. Si, disons que tu fais ça, après ça, tu arrives en haut, puis tu te dis, bon, je suis allé éteindre la lumière. Ça, c'est... Mais là, je le dis viens, pas. Là, tu viens de détruire ce que tu as gagné. Exact. Je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à foutre de le dire. Si je le dis, c'est que je veux une récompense astrale. J'ai fait le bien. Je veux que lui me dise, ah, merci. Donc, je veux que toi, tu me dises, tu as fait le bien. Et en bon humain que je suis, j'ai fait le bien, je suis content. Mais je viens encore de perdre mon énergie. Maintenant, ton karma, je t'ai aidé. Et on a vu dans karma blanc, karma noir, qu'il ne fallait pas aider personne. Ça ne nous empêchait pas de sauver. Ça ne nous empêchait pas d'éteindre des incendies. Mais l'idée, c'est que je n'ai pas aidé, j'ai accompli, peut-être à tes côtés, quelque chose d'esthétique. Bon, une personne est en train de se noyer, tu peux la sauver, tu la sors de l'eau, c'est esthétique, c'est aristocrate. Tu ne peux pas l'aider, tu ne sais pas nager, tu n'as pas de roue de secours dans ton automobile, ou est crevé, le temps que tu démontes une de tes roues, ça flotte une roue, hein, il y a de l'air là-dedans, ça flotte, ça peut tenir deux, trois personnes. Il n'y a aucune façon de... Ah, tu t'en vas. Mais quelqu'un qui voulait faire le bien, et voilà, il va souffrir le mal. Il n'est pas pu. Si il y a le parallèle que tu as fait tantôt entre l'intelligence, le bien et le mal, c'est-à-dire que l'intelligence, ça remplace le bien et le mal. C'est ni bien ni mal. Ça ne remplace pas. C'est ce que l'humain qui veut se dissocier de la vision dualitaire du bien et du mal, et l'humain qui veut se dissocier d'une grande problématique karmique, doit comprendre et doit accomplir de l'intelligence. Dans le bonheur et le malheur, ça aussi, c'est une dualité. Absolument. Quel est l'état qui remplace le bonheur et le malheur? Si on applique l'intelligence, on n'est ni heureux ni malheureux. Exact. On est quoi? Énergifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, il faut bien comprendre l'idée. L'humain qui dit, oui, mais moi, je veux faire le bien, voyons donc, merde, il faut qu'il y ait du bien sur la planète, il va avoir de l'esthétisme. De l'esthétisme, si on regarde, puis on fouille un peu dans l'Antiquité, on a des livres d'histoire, de l'histoire fiction, qui nous dit qu'il fut un temps où le lion mangeait de l'herbe. Où l'aigle mange de l'herbe. Je ne sais pas pour les maringouins. Et donc, l'aigle n'avait pas besoin de tuer l'écureuil. C'était esthétique. Alors qu'aujourd'hui, c'est bien que l'aigle mange l'écureuil. Il retourne l'écureuil, puis l'aigle a besoin de vivre. Bon. Accomplir l'esthétisme d'une chose, donc vivre un aristocrate planétaire, on parle toujours d'aristocrate supramental, d'une personne qui a la capacité de se dissocier des archétypes, donc traditionnel spirituel qui nous oblige à évoluer en espérant toujours que finalement, faites le bien, tu payes pour, fais le mal, tu payes pour, au ciel, vous allez être récompensé. Et puis, faites des voyages astrales, il y a des cauchemars, il y a des ici, c'est le ciel, et il y a des individus qui meurent, qui rentrent en contact avec les vivants pour les manipuler, pour espérer de revenir, en plus au ciel, tu sais, avec l'enfer, le purgatoire, en tout cas. Et le pire, la résurrection, la fin, on va vous sortir du ciel. Alors, quelque chose d'original, des bribes de choses, à l'explication qu'on a donnée. L'humain qui recherche à faire le bien, en réalité, aimerait faire des choses esthétiques. Sauf que parce que c'est son ego, la mémoire de l'intelligence qui veut accomplir l'esthétisme, il ne peut que faire que le bien. Et le bien d'un ego, l'ego qui fait le bien est toujours assujetti émotivement à l'acte qu'il fait. Tu donnes un cadeau, puis on dit, ah merde, pas ça du tout que je voulais. En tout cas, c'est ma fête. Merci quand même, c'est l'intention qui compte, tu sais, mais... Au poubelle. Bon, viens, on va aller voir un film. Une codification qui dit que quand je veux faire le bien, vous le savez, alors démerdez-vous pour me donner au moins l'impression que je fais le bien. Bon. Sauf que karmiquement, on se met, on n'est pas transparent, ça crée un paquet de problèmes évolutifs. Mais l'individu qui accomplit aristocratiquement quelque chose, qui accomplit quelque chose d'esthétique, qui agit esthétiquement, pas en fonction des autres. J'avais besoin de 5$. Non, je t'en pose pas. Pourquoi? Parce que je t'en pose pas. Pourquoi? Parce que tu gaspilles. L'autre est frustré. Tu as fait même une parapluie de 5$. Non, esthétiquement parlant, tu le nuis, tu le sais, ton intelligence le sait, tu sais, non. Oui, mais l'autre, il n'a pas compris, il l'a mal pris. Ça le regarde. Et c'est pourquoi je te désassujettis. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. Tu as compris, tu accomplis ce qui est intelligent. C'est simple. Celui qui a compris ce qui est intelligent va s'énergifier. L'énergification, ce que ça l'entraîne une augmentation de notre potentiel d'énergie, donc ça l'entraîne une augmentation de notre potentiel de masse. Ça va structurer un corps vital qui va nous permettre d'avoir une meilleure santé physique à la longue. Ça va progressivement nous sevrer du besoin affectif et émotif au niveau du corps astral. On va être capable de raisonner aux sentiments, mais on n'aura plus besoin d'être nourri par l'affection. Et ça va donc amener la réalité de ce que, dans la copie de la réalité, dans l'illusion, l'humain appelle le bonheur. Est-ce que ce n'est pas cette énergie-là qu'on n'est pas capable de supporter, je parle en tant qu'ego, puis que l'ego, dans plein ça. C'est, à un moment donné, lui, il décide de faire exact. Le bien pour être capable de se c'est débarrasser ça. De ça, c'est-à-dire aller dire à la voisine, j'ai arrosé ton jardin. C'est ça. Okay. OK, continue. Bon. Excusez de vous avoir interrompu. Voilà. L'addiction, on s'en vante pas, tout est correct. Il voulait dire. Hein? C'est ça? T'appelais ça. C'est que si tu vas le dire, quand tu parles d'énergie, t'es coupé tout le long, c'est plaisant, si on télépathe, faut s'amuser un peu, faut en profiter. Mais ce que tu dis, ce que tu n'as pas dit, ce que tu voulais dire, c'était que... Parce que tu m'as pas laissé de dire. Ben, c'est ça, c'est vrai qu'à dire. Moi, je parlais entre-temps, ils ont deux oreilles, tout le monde. À gauche et à droite, ils peuvent comprendre les deux. Et quand on disait, mes amis, oui, mais j'ai avec un cerveau. On a deux cervelets. Oui, on a un, ouais, ben, trois cervelets. Il y en a qui ont un cervelet. C'est un cerveau-lait. Bon, en tout cas. Bon. Lorsque l'humain ramasse de l'énergie d'une action accomplie, il vibre d'énergie, et cette énergie-là, qui, là, chez lui, devient tellement pénible à supporter par l'ego, c'est un bonheur trop puissant. Alors, il va le partager. Mais on ne doit pas partager cela. On doit conserver cette énergie pour que progressivement elle s'imprègne à ce que nous sommes et on devient encore plus énergifié, on devient un peu plus puissant. Et progressivement, on gagne en énergie si on fait cela. Alors là, il se passe quelque chose de parfait que quelqu'un a accompli, qui est totalement esthétique, puis il faut absolument qu'il aille en parler. L'ego ne peut supporter la puissance de ce que c'est que le vrai, on va dire bonheur, mais c'est pas le mot, il n'est pas tout à fait juste, mais l'ego ne peut supporter la puissance d'un vrai bonheur. Alors, il le partagera énergétiquement pour rendre tout le monde un peu plus heureux, il le vivra émotivement par la suite parce qu'il va en parler, donc il va le digérer astralement, il va l'émotiviser, et là, maintenant, c'est supportable. Alors qu'on ne doit pas. Celui, tu dis, bon, il n'y a pas de bonheur, le bonheur et le malheur, c'est une vision dualitaire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le bonheur? Il y a ce que le bonheur essaie de copier. Il y a aussi ce que le malheur essaie de copier. Le malheur essaie de copier une vision énergétique, sauf que le malheur, c'est parce qu'on manque notre vision énergétique, on manque notre coup, on perd de l'énergie. Donc, celui qui se désassujettit de l'accomplissement, bien ou mal, d'une façon désirionnelle, donc au niveau du désir, celui-là va accomplir esthétiquement des choses. Dans l'apparence, ça semble être très similaire à quelqu'un qui fait le bien. La nuance est qu'à l'interne, c'est bien différent. Celui qui vit de cela n'a pas le bonheur. Non. Il ne se plaint plus jamais. Il n'a plus à se plaindre. Il sourit quasiment tout le temps. Il peut s'amuser. Il va rajeunir sur tous les plans. Il est au-delà du bonheur. Du bonheur de l'humain. Un bonheur qu'on doit entretenir, pas lui. Un bonheur qu'on doit défendre, pas lui. C'est mieux que le bonheur, finalement. Un bonheur qui ne sera pas suivi de malheur parce que ça n'est pas déterminé par les conditions extérieures. On fait une pause, puis on revient. Vous avez des questions, vous les écrivez, puis Charles va les poser. À bientôt.